Ici Cathy de Diocité.net, vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Bonjour et bienvenue au podcast des éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Je tiens d'abord à remercier Cathy pour le petit mot d'introduction en début d'émission. Cathy est très impliquée chez Audiocité.net. Elle est en somme le bras droit de Fred, le webmaster du site. Mais pour nous, sous le pseudo de K00, elle est surtout la voix de Mazas Pavel dans les deux aventures du même nom, disponible gratuitement sous forme d'audiobook via notre blog à l'avenir-audio.canalblog.com. Et justement, avec cette émission, nous entamons un marathon de 15 semaines pendant lesquelles je vous présenterai notre première méga-production réalisée à partir d'un texte d'André Bory et j'ai nommé Mazas Pavel, agent de l'OMU. Cette histoire se déroule dans l'univers de Perry Rodden, série allemande de SF, publiée en fascicule depuis 1961 et ayant été traduite en plusieurs langues, dont le français. La série est toujours disponible d'ailleurs chez Fleuve Noir. André Bory, pour sa part, habite la France et est un fan de Perry Rodden depuis les tout débuts. Je l'ai connu à l'époque où je publiais le fanzine tantôt et, si je ne m'abuse, c'est moi qui lui ai demandé cette histoire, un feuilleton, au cours des années 1990. Depuis, André a écrit 7 ou 8 autres aventures de Mazas, toutes publiées par le club Basis, fan club français de Perry Rodden. Et sans plus attendre, la première partie de Mazas Pavel, agent de l'OMU. Les éditions de l'Avenir présentent Agent de l'OMU. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania et Basis hors série numéro 4. Prologue. Ce récit se passe en 2357, pendant la période de calme relatif qui se situe entre la victoire sur les Bleus et l'affrontement contre les maîtres insulaires. Après l'enlèvement de Perry Rodden, d'Atlan et de Bouli par les Plophosiens d'Iratio Andro, l'Empire Uni s'est désagrégé et a été dissous par le Stellark dès son retour à Terrania. Il convient dès lors de tout recommencer pour recréer des alliances ou, pour au moins, se tenir au courant des risques de sécession et de tenter de limiter les dégâts. Depuis plus de 2 siècles, un vaste réseau de renseignements a été mis en place par les responsables de l'Organisation des Mondes Unis, sur le modèle de celui mis jadis sur pied par le maréchal solaire Alan D. Mercant, chef des services secrets et de défense de l'Empire. S'implanter discrètement sur un maximum de planètes, pour en suivre l'évolution, est l'un des objectifs fixés aux membres de la prestigieuse OMU. La tâche de ces honorables correspondants consiste à surveiller et à tenir informé le central de l'organisation, situé sur OMU-1, appelé aussi Centre Quinto, en mémoire du colonel qui avait créé la fameuse section 3. D'autres agents de l'OMU se chargent des missions sur le terrain, souvent au péril de leur vie. Mazas Pavel est l'un de ces agents.